Label Rock. Deux heures de son pas comme les autres. Pop Rock, Electro, Reggae, World. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Salut et bienvenue dans une nouvelle émission de Label Rock, Sébastien Agas aux commandes. Et comme d'habitude, on va se faire plaisir encore une fois dans cette émission avec deux heures de musique pas comme les autres. Alors vous connaissez le principe, hein, Label Rock, c'est deux heures de musique éclectique avec au menu, et on va pas changer les bonnes choses, de la pop, du rock, de l'électro, du reggae, du folk, du blues. Bref, une fois de plus, j'ai envie de dire, il y en aura pour tout le monde. Alors, pas une minute à perdre, on part tout de suite pour commencer cette émission du côté de Tucson en Arizona, retrouver l'artiste Brian Lopez, extrait de son tout premier album qui s'appelle Ultra. Le morceau s'appelle Montjuïc. We'll be right back. jazz, funk, pop, soul. Label Rock. Tomorrow Les excellents Choir of Young Believers dans Label Rock, un projet du Danois d'origine gréco-indonésienne Janis Noya Makrigiani. Voilà, c'est toujours un plaisir à annoncer ces noms d'artistes. Un artiste qu'on avait déjà remarqué autrefois au sein des trop éphémères Lake Placid. Le morceau qu'on vient de s'écouter s'appelait Sedated, extrait de l'album à venir qui s'appelle Rheingold. Tout ça va sortir le mois prochain sur l'excellent label Ghostly International. On va rester dans la Bell Rock, dans les ambiances bucoliques, avec tout de même une grosse touche électro, signée par l'anglais Fortet, remixée ici par le musicien russe Mokov. On voyage dans la Bell Rock, hein, on voyage. Très bon remix, je vous le disais, signé par Mokov. C'était Fortet, Hilarious Movie of the 90s, remixé donc par Mokov. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à taper son nom sur le net et rendez-vous sur son site Bandcamp, où vous pourrez entre autres découvrir et télécharger gratuitement 25 remixes qu'il a fait pour des artistes aussi divers que Fortet, Radiohead et il y a même Oasis dedans. On va rester dans l'électro et on va s'écouter maintenant un énorme titre qui va ravir tous les amateurs de Chicago House de la première heure. Le morceau s'appelle Glorified et il est produit par Tiger Stripes. Thank you. a blessing to be here. Regardless of what you're going through, let's magnify him. With tambourines and 808s and cymbals and 909 claps, honor him with your beat mix. Say to wisdom, you are my sister. Call insight your intimate friend. Glorify him in your body. Move your body. Jack your body. Let the redeemed say. Open up your mouth, touch somebody and say, jack your body. Be zealous, glow with the spirit. Present your body a living sacrifice. Holy and acceptable. Glorify him in your body. Move your body. Jack your body. Present your body a living sacrifice. Let the house say. Touch somebody and say, jack your body. Sur le label Audiomatic Recordings, l'énorme titre des Tiger Stripes, Glorified à l'instant pour de la house de qualité, signé donc par des Suédois. Franchement, rien à redire sur ce titre. Rien à redire non plus, tiens, sur une compilation chez les Anglais de Greensleeves, du nom de Greensleeves Dubstep Chapter 1. Le principe, je vous l'ai présenté dans la dernière émission de Label Rock, je vous le dis, c'est de donner aux producteurs les plus en demande du moment des classiques du reggae dancehall et de leur demander de remettre au goût du jour ces morceaux. C'est le cas avec ce morceau du Jamaïcain Yellowman, revu et corrigé par Horsepower Productions. Montez le son, c'est que du bon. You see from me have a reading from Yellowman, minute. And you see me done minute, me set him. That I'm on mercy. Don't go zungo go zungo zeng. Don't go zungo go zungo zeng. Don't go zungo go zungo zeng. Don't go zungo go zungo zeng. Don't go zungo go zungo zeng. Don't go zungo go zungo zeng. Don't go zungo go zungo zeng. Don't go zung zung zung zung go go zung. Pass me the paper, say pass me the pen. But if you have a start, I must have a end. I will say 5 + 5 be equal to 10. Now really ill a man, give it to them. Then pass me the paper, say pass me the pen. But if you have a start, I must have a end. I will say 5 + 5 be equal to 10. Now really ill a man, give it to them. Don't go, don't go, don't go, then. Don't go, don't go, don't go, then. Don't be happy, Mr. Don't be dark. You know it. Push your thing. And over them at a pupilla and a girlfriend. You are idiot, why me have a 110 and all of them have the other children. Some live a Kingston and none of me a pen. Over them a ask me old me and a girlfriend too. Argument, what? Don't be up in this, I don't feel die. You know fi call yellow man my wife. You know fi call Sasha Rank my wife. You know fi take John Trump fi die. Yellow man, da-di-da-di-da-di-da-di-night. The star just a shine when it come out today. The sun just a shine. My God, to see the girl is mine. Johnny Asberg, him, sing rewind. Inna the night, the star just a shine when it come out today. The sun just a shine. My God, to see the girl is mine. Johnny Asberg, him, sing rewind. Don't go zoom, go zoom, go zoom. Don't be up in this, I don't feel die. Zoom, go zoom, go zoom. Pass me the paper, step off me the pen. But if you have a start, you must have a end. Me say 5 plus 5, it equal to 10. Man, I will be killed, man, I will tell it to them. Pass me the paper, step off me the pen. But if you have a start, you must have a end. Me say 5 plus 5, it equal to 10. Man, I will be killed, man, I will tell it to them. Zoom, go zoom, go zoom. Don't be up in this, I don't feel die. You know, if you call such a rap, my wife. You know, if you call John, John, my wife. When I know them, calling you right. You know, if you take a yellow man, you know, time. Feel the hand, should I be my girlfriend? Say pass me the pen. But if you have a start, you must have a end. Me say 5 plus 5 man equal to 10. Now we be yellow man and we get to this to them now. Zungu zungu zungu zeng. Here's the hand, should I be your girlfriend? Zungu zungu zungu zeng. Here's the hand, should I be your girlfriend? L'excellent titre de Yellowman, Zungu, Zungu, Zungu, Zeng. Ça ne s'invente pas, c'est comme ça. Remixé ici par Horsepower Productions. De la Jamaïque au Brésil, il n'y a quasi qu'un pas. Si, si, peut-être pas sur le globe, mais en tout cas dans ce programme, ça c'est sûr. On va faire un retour en arrière en 1969 avec les Brésiliens de Somme 13 qui sortaient à l'époque leur album éponyme que beaucoup d'ailleurs considèrent comme peut-être leur plus bel effort. La preuve avec ce titre qu'on s'écoute tout de suite, ça s'appelle Homenagem a Mongo. Somme 13 dans la Bell Rock. We'll be right back. du jazz brésilien dans cette émission, et pourquoi pas, me direz-vous. Franchement, ça fait du bien. C'était Somme 13 avec Omenagem Amongo. Je vous rappelle, ça date de 1969 et c'est sur l'album qui s'appelle tout simplement Somme 13. On va revenir en France maintenant avec le précieux Daniel Dark, un artiste que j'apprécie beaucoup. Un extrait de son nouvel album, l'album s'appelle La taille de mon âme. Le morceau, lui, qu'on s'écoute s'appelle C'est moi le printemps. En mai, c'est moi le printemps. D'un ventre épais, j'ai foutu le camp. Mais scarifié, mais en pleurant, mais sacrifié, mais en passant. Suis né en mai, c'est moi le printemps. J'ai rien demandé, ouais, mais pourtant, j'ai déchiré. Fil d'acier m'emprisonnant. Je suis né en mai, c'est moi le printemps. Moi qui rêvais d'hiver tout blanc. to dust. Help us, no break. Are you lost? Are you lost? Oh, you brittle concrete ones. We should let them have their fun. Of delinquent desires, defeated by the nation and its funeral pyres. Psychic warfare weakens the weird. These wayward swans can't get out of here. Get out of here. Who wants to make a spell to free this English hell? Give him a voice for the words he wants to tell. He's rubbing his eyes. Rubbing his eyes, there's no exit signs. Thunder forever and watch your thinking. Of his dray dreams, keep the pigs down. Debriefing, distraction, conform to the crass. The demons are loosing the silly center. You can't hide your hate forever. De mes albums préférés de 2011, celui de Comet Gain, il s'appelle Owl of the Lonely Crowd, c'est sur le label indépendant anglais Fortuna Pop, et 6 mois après, il est toujours bien calé dans ma platine CD, toujours aussi bon, et franchement pas encore rassasié. Et oui, comme ça il y a des artistes qui vous suivent au fil des années et qui ne vous déçoivent jamais, des sortes de valeurs sûres on va dire. Tout comme ce grand monsieur, tiens, Howie Gelb, qui de disque en disque continue de me ravir et de m'enthousiasmer. See the sky broil in the color of a blood orange. I hear the cracking singe of the front metal screen door. Staring at each other with a half-lit stone-cold glare. Then falling to each other like the other is never even ever there. That know they're gonna hang. Sweating bullets and reloading all over again. The winds have been banished, they have vanished. like the shadows on the run. When it's hotter than a gun, barrels smoking in the sun. Midnight meat is 101. So much never gets said or done. And the rain is only a rumor. Over before it's begun. Kissing each other like it's our last meal. We'd be touching like the blind, relying only on the feel. See the skies as a royal color of blood orange. Hear the crackling singe of the metal screen door hinge. Midnight means it's 101. So much never gets said or done. And the rain is a rumor. Over for its begun. Off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. And I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to spit my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me, or how you had defended me when everybody tore me down. Yeah, I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Howie Gelb pour commencer avec le morceau Blood Orange, c'est sur son album The Listener, hein, disponible sur le label Thrill Jockey. Et puis à l'instant, le premier extrait de l'album solo de Jack White, ex White Stripes évidemment. L'album est prévu pour avril prochain, l'album s'appellera Blunderbuss et il contiendra 13 morceaux. Après le blues de Jack White, un petit peu de reggae jamaïcain. Now my beautiful black people, you were brought here from Africa. For the concept of a slave master is that you're slaves. But I'm telling you that you're not. You're royal kings and queens, prince and princess from Ethiopia, Africa. Selassie, I draw. I'm in some repatriation in the most. You tell the world. put away the weapons, yeah. We no really depend where them depend, yeah. Babylon only want to feel war. Babylon no want to use them shine like stars. Put away the weapons, yeah. We no really depend where them depend, yeah. Babylon only want to feel war. Babylon no want to use them shine like stars. We no come for destroy me, only come for build. Hey Babylon, I tell you, say be still. Hey Babylon, you make the blood them spill. I tell you the guns only made to kill. That's a black woman, yeah, she burnt your soul. To Babylon, them no worthy soul. Children, you listen to my words, you know. That's why Babylon, I try out your soul. Put away the weapons, yeah. We no really depend where them depend, yeah. Babylon only wants to feel war. Babylon no want to use them shine like stars. Put away the weapons, yeah. We no really depend where them depend, yeah. Babylon only want to feel war. Babylon no want to use them shine like stars. As the man tried to make and Bali, chanting I am being come out to Bali, down to conspire in no alley to take the lives of your brothers and your sisters, or else you'll be sorry. Yeah. There's much better for you out there. Don't fire in a gunfire, politician. Rastafari mission, children, put away your weapons, yeah. We no really depend where them depend, yeah. Babylon only want to feel war. Babylon no wanna use them shine like star. Put away your weapons, yeah. We no really depend where them depend, yeah. Babylon only want to feel war. Babylon no wanna use them shine like star. At the golden shore, the golden shore. You were brought there in slavery because they want so much more. Never yet have they been satisfied. But the most I gonna bring down Babylon. Look with your eyes, put away the weapons, y'all. When they really depend where them depend, y'all. Babylon only want to feel war. Babylon no want to use them shine like stars. Put away your weapons, yeah. We no really depend where them depend, yeah. Babylon only want to feel war. Babylon no want to use them shine like stars. Kaisman Studio, you said today. Pretender. Are you listening? La Belle Rock avec Sébastien Gas. Du reggae pour commencer avec un extrait du nouvel album de Sizzla. L'album s'appelle The Chant. Comme d'habitude, on y parle de Babylone, d'Afrique et de Ganja. Voilà, tout va bien, hein. C'est du reggae évidemment. L'artiste jamaïcain toujours aussi inspiré et surtout prolifique, puisque sachez qu'il a sorti à ce jour plus de 50 albums sous son nom, auxquels il convient d'ajouter une quinzaine d'albums partagés avec d'autres artistes. Franchement, il chôme pas ce Sizzla. Et puis à l'instant, un morceau que j'adore, très chill out, signé par l'anglais de Manchester, Joe Synchro. Le titre s'appelle Progression, c'est disponible sur le label Exit Recordings. On va rester dans l'électro, on va laisser l'Angleterre, on va revenir sur la scène française, une scène française qui se porte plutôt bien depuis quelques années, avec des talents qui émergent à droite et à gauche. C'est le cas de cet artiste qui arrive sur les platines de Label Rock. D'ailleurs, il ne vous sera pas inconnu si vous êtes fidèle à cette émission, puisqu'il s'agit de Jet Joe Tronic. Label Rock. Le parisien Jedjo Tronic de retour avec un nouveau maxi pour le sous-label Boys Noise Records, le sous-label qui s'appelle Trax. C'est disponible depuis le 6 février et si vous adorez l'électro et la techno, c'est chaudement conseillé. Rock, jazz, funk, pop, soul. Label Rock. Label Rock, les soldes sont finis, mais c'est opération déballage dans cette émission et dépoussiérage des cartons de disques. Retour en 1974 avec le français Bernard Estardi. Quelques anecdotes le concernant. Son vrai nom, c'est le Baron de Méouille. Il est né en 1939 et il est mort en 2006. Musicien qui a été aussi producteur et arrangeur, puisqu'il a arrangé entre autres les deux premiers albums de Gérard Manset, ceux de Michel Sardou durant les années 80, ainsi que, tenez-vous bien, Alexandrie Alexandra, Magnolia Forever et Toi et le Soleil pour Claude François. Comme quoi, on peut produire du Claude François et passer quand même dans la Label Rock. Bernard Estardi, donc on s'est écouté Gang Train. On va s'en réécouter un deuxième titre, tiens d'ailleurs, qui plaît beaucoup à mes enfants. Et oui, franchement, hein, quand ça mélange le boogie avec des drôles de bruit, ça ne peut que plaire. Bernard Estardi tout de suite encore dans la Label Rock avec Mutes Boogie. We'll be right back. Thank you. de retour après 5 ans d'absence, les Norvégiens de 120 Days, de retour donc avec un nouvel album qui sortira le 6 mars prochain. En attendant, il faut se contenter donc de ce premier extrait assez démentiel, je dois l'avouer, du nom de Dalle Disco. 10 minutes de trip électronique assez planant, je pense que ça fait toujours plaisir. We'll be right back. I stepped into an avalanche. It covered up my soul. When I'm not a hunchback, I sleep beneath a hill. You who wish to conquer pain must learn to serve me well. Thank you. Cold Cave pour commencer avec le morceau Icons of Summer et puis à l'instant le morceau Avalanche de Boys Noize et Errol Alkan avec en invité du côté de la voix l'ex-chanteur de Pulp Jarvis Cocker. Alors le single était sorti il y a quelques temps, hein, souvenez-vous. Mais voilà qu'on a le droit à un nouveau package avec des remixes d'E1 Person mais surtout du français Can Blaster qui une fois de plus retourne tout sur son passage. Le remix est tout simplement, à mon avis, monstrueux et complètement jouissif. Surtout sur l'autoroute, hein, ça s'est testé. Autoradio à fond, franchement, ça le fait. Si, si, vous essayez, vous verrez, hein, effet garanti. Le prochain disque dans la Belle Rock, c'est tout de suite, évidemment. Bah tiens, il ferait peut-être pas l'affaire sur l'autoroute celui-là, mais tranquille à la maison, ça le fait plutôt bien. C'est un disque signé par le groupe genevois Luluxpo. L'album est attendu cette année. En attendant, un nouveau single de disponible, ça s'appelle Rock Me Love. Oh, Yeah. Les petits gars de Genève de Luluxpo pour débuter cette série de 3 disques dans la belle rock. Rock Me Love, c'est leur nouveau single. Et puis au milieu, le duo français R de retour avec la bande-son du film de Georges Méliès remasterisé Le Voyage dans la Lune. L'album s'appelle lui aussi Le Voyage dans la Lune. Et sincèrement, je trouve que le résultat est plutôt bluffant avec une succession de morceaux qui m'a vraiment donné l'impression de voyager et surtout de retrouver le R un petit peu du début. De l'époque de Moon Safari, ça fait vraiment plaisir. Et puis pour finir à l'instant, le morceau Adrénaline de Paul Rose alias Scuba, le boss du label Hot Flush. C'est bientôt la fin de cette émission Label Rock, on va quand même s'accorder un petit peu de rab, c'est comme à la cantine cette fois, avec 3 derniers morceaux, histoire de finir en beauté ce podcast. On va laisser tomber l'électro, on va ressortir les guitares, avec respectivement et par ordre d'apparition Parlor Snakes, les Anglais de Breton et les Stéphanois d'Angel and the Hidden Tracks de retour avec un nouvel album, et ça c'est une chouette nouvelle. C'est parti donc avec les Parlor Snakes et leur Don't Want Your Love, c'est tiré de leur premier album qui s'appelle Let's Get Gone. Parlor Snakes, sachez que c'est 4 personnes, 2 filles, une parisienne, Eugénie au chant et à l'orgue, Sue, je sais pas d'où elles viennent, mais bon, peut-être anglaise ou américaine, je sais pas, à la basse et au chœur, et 2 garçons, dont le New-Yorkais Peter Kay à la guitare et le Français Alexandre Mazarguil à la batterie. Parlor Snakes, pour terminer cette émission, Don't Want Your Love. Vous écoutez Label Rock, montez le son une fois de plus. le son rock. White guy trying to sing like Extrait du nouvel album d'Angel and the Hidden Tracks, dernier morceau pour ce podcast, c'est vachement bien, hein. Ça s'appelle No House, ça c'est le titre qu'on vient de s'écouter, tiré donc du nouvel album, cinquième album qui s'appelle Now. Rassurez-vous, on aura l'occasion de revenir sur ce nouvel opus dans les prochaines émissions de Label Rock. Sachez tout de même qu'il sortira officiellement chez We Are Unique Records le 14 mars prochain. Angel and the Hidden Tracks, donc je vous rappelle, cinquième album, ça sort le 14 mars prochain et ça s'appelle donc Now. Voilà, tout est dit pour cette émission, c'est la fin de ce podcast. J'aurai plaisir à vous retrouver sur le net, évidemment, très prochainement. Et en attendant, comme d'habitude, soyez sages, mais pas trop. Allez, à plus, ciao, ciao, c'était Sébastien, et c'était surtout Label Rock. Goodbye. Label Rock, 2 heures de son pas comme les autres.